Ben bonjour, je suis Christophe Décimo et je suis suisse. Et, j'ai commencé mes études en biologie d'abord et je me suis rapidement rendu compte que j'étais pas prédestiné à travailler dans un laboratoire. Et d'abord, je me suis dit, bon, c'est sûrement l'environnement. Là, j'étais à Zurich, dans un milieu germanique. Et je me suis dit, ben, c'est sûrement l'environnement. Et donc, je suis parti un petit peu en vadrouille. J'ai fait des séjours aux États-Unis, en Chine, en Thaïlande. Mais les choses ne se sont pas arrangées. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'effectivement, il faut que, ayant peut-être deux mains gauches, il faut peut-être que je passe sur quelque chose de plus théorique. Et donc, je suis rentré en Suisse et je suis allé au département d'informatique au Poly de Zurich, où j'ai découvert en fait vraiment la bioinformatique, la génomique comparative, donc la comparaison de génomes de différentes espèces, différents gènes. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenu bioinformaticien. J'étais en Suisse, donc j'ai fait ma thèse. Dans le milieu scientifique, c'est très courant de bouger, hein. Et donc bon, mais après ma thèse, j'avais deux trois travaux encore intéressants que je voulais terminer. Après, j'ai eu mon enfant Arthur, et donc c'était pas vraiment idéal au niveau du timing là pour aller à l'étranger. Mais finalement, après quelques années, là, j'ai pu enfin me bouger. Donc, je suis allé un peu à la Mecque de la bioinformatique en Suisse, en Europe, qui est le European Bioinformatics Institute, qui est une sorte de CERN pour la bioinformatique, qui se trouve près de Cambridge. Et donc, surtout avec un enfant en bas âge, c'était assez idéal, parce que n'ayant pas vraiment la possibilité de voyager beaucoup, en étant dans un endroit vraiment dans un centre de gravité, avec des visiteurs justement d'Europe et du monde entier, chaque semaine, c'est assez idéal, en fait, pour faire des rencontres et puis développer son horizon. Donc, j'y suis resté pratiquement 2 ans. Et là, je viens de bouger là sur Londres, à University College London, où je commence mon propre groupe de recherche. Donc, on verra où ça va me mener ensuite. Qu'est-ce que c'est que la bioinformatique? C'est une bonne question. Des fois, les gens sont un petit peu perplexes. Donc, on aime penser, enfin, que c'est un domaine qui est vraiment à l'interface entre l'informatique et la biologie. Et la biologie, traditionnellement, c'est beaucoup de collecte de données, d'observations empiriques. Enfin, donc c'est un peu la première étape, mais après, on essaie de comprendre ce qui se passe avec des principes généraux, donc des théories ou des modèles vraiment. Et c'est souvent ces modèles traditionnels, ils sont pas exprimés de façon très formelle. Mais quand on a de plus en plus de données et qu'on a affaire à des systèmes complexes, il y a beaucoup d'avantages à poser des modèles qui sont un peu plus, disons, formels et qui ont des propriétés, disons, qui sont bien étudiées et pour lesquelles on a des solutions standards. Et c'est pour ça que, je veux dire, c'est assez naturel que maintenant qu'on a plus de données en fait biologiques, de ces données à haut débit, qui a maintenant en fait un intérêt d'appliquer les méthodes statistiques, les méthodes de l'informatique et du calcul scientifique de façon générale. C'est là où on intervient. On essaie en fait d'une certaine manière de faire le pont entre les deux. Et je dirais que quand la bioinformatique fonctionne bien, c'est qu'il y a vraiment une grande interaction entre les deux. Où d'abord on part vraiment du problème biologique qu'on essaie de comprendre. Donc cette énorme complexité en fait de système biologique, toutes les interactions. Enfin, je veux dire, c'est toutes les différentes échelles, l'interaction avec l'environnement, fait que c'est très difficile de tirer des principes très généraux. Et en fait, les modèles, ils sont souvent très simplifiés, très crus d'une certaine manière. Mais quand ils sont appliqués dans un domaine spécifique ou à des questions particulières, ils peuvent souvent apporter des réponses intéressantes. Mais justement, puisqu'on ne peut pas vraiment simplement avoir des théories très très générales, ça demande une très bonne compréhension aussi des problèmes et une sorte de va-et-vient entre la collecte de données, l'intégration des connaissances biologiques du savoir biologique, qui est parfois très très difficile à pénétrer sans avoir vraiment juste l'expert dans la salle ou à portée de bras. Et d'un autre côté, d'essayer ensuite de codifier ça dans un modèle qui peut être décrit et analysé dans un programme informatique qui va, dans le modèle, chercher une solution optimale, va peut-être essayer de aussi d'avoir d'estimer un petit peu l'incertitude par rapport à une question donnée. Donc là, c'est très abstrait, mais peut-être pour donner un exemple un peu plus concret, on peut par exemple se poser la question, si on a deux gènes, on peut se demander combien est-ce qu'il y a eu d'évolution entre ces deux gènes. Pour pouvoir caractériser ça, on a une séquence, disons une séquence dans l'humain, une séquence dans la souris. Tout de suite, si on veut poser les choses de façon plus formelle, on peut se demander comment est-ce qu'on va modéliser l'évolution de cette séquence ancestrale qui était dans l'ancêtre commun de la souris et de l'homme, et comment est-ce que cette séquence va évoluer. Et je veux dire, si on n'a pas d'hypothèse spécifique. Enfin, tout est possible d'une certaine manière. On peut penser à n'importe quel système farfelu qui explique l'existence de ces deux séquences. Et généralement, ce qu'on va faire disons, en bioinformatique, c'est de se dire, OK, on peut peut-être expliquer cette évolution avec un principe très simple. Alors, un modèle très courant, c'est un modèle de type markovien où on va dire chaque caractère dans cette séquence évolue de façon indépendante, soit on sait ce qui n'est pas correct, mais qui va, enfin, ça va nous simplifier la vie et ça va aussi simplifier le modèle de façon considérable. Et on va partir du principe que les mutations s'accumulent de façon aussi aléatoire et simplement avec un modèle aussi, très simple, on peut regarder les données qu'on a, estimer le nombre de mutations qu'il y a eu entre les deux et se dire que si ces mutations ont effectivement lieu de façon aléatoire, on peut calibrer ça par exemple avec des fossiles et se dire ok, ça il y a dû y avoir tant d'années entre l'évolution de ces organismes. Donc gérer la façon traditionnelle, très biologique, c'est de regarder les séquences, se dire ah ouais, elles ont l'air de se ressembler, sans doute qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. L'approche bioinformatique, c'est de dire on va mettre un modèle et ce modèle, on sait qu'il est faux, mais avec les données qu'on a, on a peut-être l'espoir de pouvoir en tout cas caractériser certains paramètres de ce modèle, par exemple le nombre de mutations qu'il y a eu en moyenne entre ces deux séquences. Et parfois, on obtient des réponses qui ne font aucun sens du point de vue biologique. Et là, c'est là qu'on doit retourner, en fait. On doit mettre en question les modèles et peut-être ajouter un peu des finesses ou les rendre un petit peu plus sophistiqués. Ouais. La matière première, en fait, c'est vraiment le génome, en fait. C'est le fait que maintenant, il y a cette révolution technologique, le fait que maintenant on peut séquencer des génomes à relativement bas coût. Et donc, on a une explosion maintenant de données à ce niveau-là. Et ces données, elles peuvent, elles disent beaucoup, en fait, sur les relations entre les espèces, puisqu'on voit beaucoup de séquences qui sont très conservées à travers les eucaryotes, mais même entre eucaryotes et bactéries, on se rend compte que des organismes modèles comme la levure sont très très utiles pour comprendre des phénomènes même qui sont très proches, très à propos dans l'humain. Donc comprendre en fait cette relation, elle peut se faire sur la base de l'ADN. Donc l'ADN, c'est un peu comme le programme de la vie. Donc c'est comme si on fait une analogie là à l'informatique. Si on compare deux codes sources, est-ce qu'on peut dire vraiment ce que ces deux programmes font? Alors, sans savoir vraiment connaître vraiment tous les détails du langage et de pouvoir compiler dans ce code dans un exécutable, c'est difficile de dire toujours avec autorité en fait ce qui est vraiment semblable. Mais si on voit par exemple des modules qui sont très très conservés, par exemple sur des protéines, on sait qui sont peut-être responsables du cycle quotidien, par exemple, du sub pour le cycle circadien. Ouais. Et donc, qui est en fait conservé dans beaucoup d'espèces. Et si on sait, OK, ce module-là, ces quelques gènes ont à voir avec ce système, et ils sont conservés, il y a de bonnes chances que ce qu'on va apprendre dans une espèce sera aussi utile dans une autre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a cette énorme diversité en fait d'espèces. On a maintenant la possibilité de séquencer une diversité incroyable, mais pratiquement toutes les connaissances qu'on a, biochimiques, elles sont concentrées juste dans quelques organismes. Alors j'ai parlé de la levure, il y a la souris bien sûr, la mouche, il y a un poisson, enfin, mais c'est juste peut-être une dizaine d'organismes où on a les outils, disons, vraiment pour ces organismes modèles, on a vraiment les outils pour faire des expériences, faire des manipulations génétiques pour essayer de comprendre ces bases de la vie. Oui, notre seule chance de pouvoir comprendre le reste de cette diversité, c'est de transférer cette connaissance. Et comment est-ce qu'on peut la transférer de façon précise? Ça demande justement des travaux de modélisation, de l'évolution, et d'essayer de comprendre cette relation qu'il y a entre l'évolution et les fonctions. Typiquement, il y a un collègue peut-être qui est intéressé par un problème très concret. Donc là, j'ai par exemple un collègue qui travaille dans les plantes et sur le manioc. Donc c'est une plante qui est très importante en Afrique parce que, semble-t-il, elle n'est pas forcément très délicieuse, mais elle est très robuste. Et donc c'est un peu une plante de dernier recours quand il y a des périodes de sécheresse. Que eux sont intéressés de faire, donc ils font du développement chemin agriculturel en Afrique avec le manioc. Et le problème, c'est le problème dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'on ne connaît pratiquement rien sur le manioc au niveau biochimique. Tout ce qu'on connaît, c'est dans la plante de la moutarde, Arabidopsis. Et donc, il y a un intérêt très fort, en fait, de pouvoir essayer de transférer ces connaissances entre Arabidopsis et le manioc. Et de savoir aussi, bon, comme c'est des plantes quand même qui sont très différentes, hein, de savoir quand est-ce qu'on peut transférer les connaissances et quand est-ce qu'on va se heurter vraiment à des différences qui sont dues à une évolution, qui ont eu lieu après que ces deux plantes divergent. Et donc, lui est venu me voir et m'a dit, ouais, est-ce qu'on peut pas essayer de résoudre ce problème de façon systématique. Et donc là, disons que si c'est des questions qu'on a déjà vues avec d'autres organismes, on peut essayer de les regarder spécifiquement dans le contexte des plantes, ce qu'on essaie de faire. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que la dynamique peut changer, c'est que lui, peut-être, il a ses réponses et il se dit, ok, ça va bien, là maintenant on va pouvoir faire nos transformations dans le laboratoire. Mais de notre côté, on se dit, ah bah tiens, on a quand même fait 2-3 simplifications là qui sont pas très satisfaisantes et très souvent on a tendance à devoir vouloir continuer et c'est les collaborateurs qui disent ok bon là c'est bon là vous pouvez arrêter là. Ça nous intéresse pas. Donc c'est un peu cette dynamique et je pense que ouais, il y a énormément de possibilités, enfin les idées généralement c'est jamais vraiment le problème, le gros challenge c'est plutôt de terminer les projets, d'avoir vraiment la discipline aussi une fois qu'on a eu certains résultats, de faire tous les contrôles, de s'assurer que, ouais, que les conclusions sont bien établies, sont bien soutenues par les données, de communiquer ces résultats, des fois de se heurter aux critiques dans les revues de pair qui peuvent prendre parfois des semaines ou des mois. Puis de façon générale aussi, quand les résultats sont un peu moins satisfaisants, des fois c'est très tentant de se dire bon allez on arrête et puis on va passer à l'étape suivante, mais pour que la science avance, c'est aussi très important de pouvoir caractériser aussi les erreurs et aussi de pouvoir s'assurer qu'effectivement, si une approche ne fonctionne pas, ouais, que, disons, des collègues n'aient pas besoin de faire les mêmes erreurs. Et donc, de caractériser ces erreurs, des fois, ce n'est pas un travail qui est très gratifiant. Je pense aussi à le genre de boulot qui vous décroche une interview, généralement. Mais c'est absolument nécessaire ça, pour l'avancée de la science, et ça demande beaucoup de discipline. Donc, quand j'ai commencé, je dois dire que c'est vrai que on avait ces meetings là avec mon directeur de thèse et je me disais ah mais vraiment le type est hyper créatif, comment est-ce qu'il fait pour avoir toutes ces idées? Mais c'est vrai que après quelques années, je dirais même assez rapidement, on se rend compte que les idées généralement ce sont de type très incrémental ou dépendent simplement elles viennent de façon très spontanée. Généralement aussi, les personnes un peu plus expérimentées ont toujours envie de contribuer leurs idées ou de proposer des travaux. C'est beaucoup plus difficile de se focaliser et de trouver une bonne priorisation de ces idées et de les travailler jusqu'au bout, je dirais. Nos travaux là, on a encodé de l'information dans de l'ADN. Et Donc ça a commencé, en fait, l'idée est venue des deux auteurs, disons, des deux auteurs seniors, comment dire en français, les deux chefs, en fait, sur le projet, disons, qui étaient dans un bar, et puis, donc, et ils discutaient des problèmes qu'on a à l'EBI, donc au Centre européen, l'Institut européen de bioinformatique, European Bioinformatics Institute, qui est près de Cambridge, qui, en fait, sert d'infrastructure pour les données génomiques au niveau européen. Et donc, parce qu'on a cette révolution maintenant et que le nombre de données explose de façon exponentielle, donc il y a beaucoup de données en fait à stocker. Donc, il y a forcément des problèmes très très pratiques au niveau du stockage d'informations. Et justement, ils rigolaient, ils se disaient, ah, maman, on connaît une molécule qui est capable de stocker de l'information de façon très dense, ben, c'est l'ADN, quoi. Donc, ça simplifie aussi les choses. Si la façon dont on va stocker les données génomiques, c'est de simplement garder le génome et de s'épargner l'analyse et le séquençage. Donc, mais ça commence un peu comme un gag. Et très rapidement, je veux dire, on s'est tous aperçus que c'était pas si farfelu que ça. Et c'était tout à fait que maintenant la technologie est suffisamment mature pour synthétiser des brins d'ADN de façon assez bon marché. Donc ça a été surtout poussé par les développements au niveau du génie génétique. Donc pratiquement toutes les manipulations qui se font dans le labo demandent la synthèse de petites ça s'appelle des oligonucléotides, donc des petites molécules de quelques bases d'ADN qui sont employées pour aller chercher de façon spécifique les segments d'intérêt dans les génomes. Et donc, ça, on peut les commander en ligne. On dit, OK, je veux une petite molécule avec des AT, disons ATT, CTG. Et ça vient par la poste, justement. Des petits tubes. Et donc, pourquoi pas, à la place de simplement de donner une séquence qui est spécifique à un génome, donner une séquence dans laquelle on encode de l'information. Alors, pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, il faudrait qu'on développe un système d'encodage qui soit approprié non seulement à la molécule, mais aussi à la technologie actuelle qu'on a pour l'écriture et la lecture. La molécule, je veux dire, ça c'est, j'espère que c'est les connaissances générales, les phases, il y a donc les fameuses quatre bases, A, T, C, G, et qui sont côte à côte inscrites dans le brin d'ADN. Dans le vivant, c'est une très longue molécule. Les chromosomes en tout, si on les met bout à bout, c'est 3 milliards de base. Mais la technologie actuelle pour créer des séquences, en fait, elle est économique pour des brins qui font entre 20 et disons 200 bases. Alors, on s'est dit tout de suite, ce qu'on pourrait faire, c'est d'encoder cette information dans des brins qui sont assez courts, mais on peut en employer beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on va organiser cette information? Donc, c'est possible de consacrer quelques bases pour indexer, et on peut s'imaginer d'employer le reste pour conserver l'information. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on va encoder les choses? Sur un disque dur, c'est un système binaire. Donc, on peut penser à des 0 et des 1. Dans l'ADN, on a quatre possibilités. De façon, disons, très directe, ce serait de se dire, OK, on va prendre chaque paire binaire et les convertir en une des quatre possibilités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie actuelle pour l'écriture et la lecture a aussi certaines limites. Et donc, une limite, par exemple, c'est le fait que s'il y a plusieurs lettres qui se suivent, qui sont identiques, le taux d'erreur est typiquement un peu plus élevé. C'est plus difficile de lire, disons, TT plutôt que TA. Et donc, dans le design de notre code, on s'est dit, on va éviter toutes les répétitions, puisqu'on peut choisir le code qu'on veut. Et donc, du coup, le taux d'erreur va être plus bas. Et donc, la façon dont on a implémenté ça, c'est de convertir notre système donc binaire en base 3. Et d'utiliser la quatrième base, d'une certaine manière, pour chaque fois empêcher le fait d'avoir deux bases identiques consécutives. Donc, on peut s'imaginer que si on a converti nos données en 0, 1, 2, c'est possible chaque fois d'employer trois bases et de conditionner le choix de cette base sur la base précédente en disant ok, si la base précédente c'était un A, ben ça va être on va employer soit C, T ou G pour 0, 1, 2 par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. On a aussi fait en sorte que ces fragments se chevauchent pour avoir un peu de redondance. Il y a deux, trois autres trucs aussi un peu plus techniques dont je ne vais pas parler maintenant. Pour les informaticiens, c'est trivial le fait que toutes les informations finalement dans le disque, c'est simplement des 0 et des 1. Je dirais, on aurait pu simplement prendre une séquence aléatoire de 0 et de 1 si on arrive à la reconstituer. On est bon, quoi. Mais c'est vrai que pour le grand public, c'est pas très, c'est moins convaincant que d'encoder de l'information réelle. Donc, on a pris un choix de différents types de fichiers. Donc, on a un fichier texte avec tous les sonnets de Shakespeare, le PDF du donc un scan en fait du papier de Watson and Crick qui a fait la découverte de l'ADN. Il y a un extrait sonore du fameux discours de Martin Luther King. Et il y a une image de l'Institut. Et puis bon, pour les geeks, là, on a aussi encodé la définition de l'encodage. Donc, juste pour démontrer le fait que, en fait, ben, l'encodage lui-même est, enfin, c'est aussi des données comme n'importe quelle autre donnée. Et donc, voilà les cinq fichiers qu'on a pu encoder. Donc, au final, donc, on s'est retrouvé pour encoder plus ou moins 700 kilobytes, ça nous a pris quelque chose comme 150 000 de ces brins d'environ un peu plus de 100 bases de long. Et donc ça a été généré aux États-Unis par nos collaborateurs d'Agilent, donc l'entreprise qui fait la synthèse de ces brins en employant une technologie qui est assez semblable aux imprimantes à jet d'encre, en fait, où il y a juste la base désiré qui est ajouté en fait dans des dans des dans des petites dans des dans, sur un chip en fait. Et donc eux ont généré les 150 000 brins, donc qui viennent avec plusieurs copies bien sûr, donc c'est pas seulement 150 000, il y a toute une redondance. Donc ça vient dans un petit tube, justement un petit grain de poussière qu'on voit à peine à l'œil nu. Et après, on a séquencé ces données en Allemagne. Et on a pu reconstituer les données originales. C'était pratiquement parfait. Mais il y a deux petits fragments en fait, qui nous manquaient. Et malgré le fait que le reste des données était vraiment. On a pu le lire. De façon très très redondante, donc en faisant absolument aucune erreur, mais il y avait de façon systématique deux petits segments qui étaient manquants, et en fait il s'avère qu'ils étaient au sein d'une région qui était répétitive. Donc alors le côté positif du fait qu'elle était répétitive, c'est que simplement en la regardant, on a pu reconstituer la partie manquante. Donc si on admet cette intervention manuelle, ben, notre taux de réussite était de 100%. Sans ça, bon, on est quand même à 99,999% quoi, de précision. Mais le côté, donc la raison pour laquelle ces morceaux étaient manquants, on pense, c'est parce que en fait, si on regarde ce brin, il est parfaitement complémentaire à soi-même. Ça veut dire que, vous savez que l'ADN les brins sont en paire, et les A sont toujours en face de T, et les C sont toujours en face de G. Maintenant, si le brin lui-même, s'il se replie sur soi-même, et la séquence est telle que le A sera toujours en face d'un T et le C en face d'un G, du coup, la molécule se replie et ne peut pas être séquencée. Donc, il y a un problème, disons, très systématique là, technologique, que nous ne connaissions pas et qui n'était pas à notre connaissance vraiment décrit. Et bon, ça a des conséquences intéressantes. Bon, premièrement, on peut adapter le système de codage, mais avec cette connaissance supplémentaire pour éviter ce genre de problème. De la même façon, par exemple, qu'on évite les bases à répétition. Mais c'est aussi intéressant pour les implications biologiques, parce que ça veut dire que pour toutes les études qu'on fait maintenant avec les séquences existantes, c'est bien possible que les séquences qui seraient complémentaires à soi-même et qui existent potentiellement dans le vivant ne sont simplement pas étudiées. Et donc ça ouvre des perspectives intéressantes. Et donc ça, c'est le genre de suite en fait qui nous intéresse et on va regarder ça prochainement.